Hier, on a annoncé une bonne nouvelle, c'est qu'on savait que ça allait arriver, que Montréal allait être dans la Ligue canadienne de basketball. Ben hier, on l'a confirmé avec le nom de l'équipe. Ça va s'appeler l'Alliance de Montréal. On a également eu le logo qui ressemble beaucoup à celui des Nordiques de Québec. Je ne sais pas si les Nordiques n'auraient pas parti en 95, tout le monde savait que les Nordiques allaient changer de logo. Donc, je trouve qu'ils ressemblent aux Nordiques. Quoi qu'il en soit, on en parle avec celle qui est en charge du projet de la venue d'une équipe de basketball à Montréal, Annie Larouche. Bonjour, Annie. Bonjour Dani. Annie, évidemment, c'est un beau projet. Écoute, j'ai suivi un petit peu la CEBL cette année parce que il y a des matchs à CBC. D'abord, si on parlait un peu de l'Alliance, pourquoi avoir choisi l'Alliance de Montréal, le nom de l'Alliance? Oui, ben en fait, tu te souviens qu'on a fait un sondage au mois Ouais. d'avril, mais il y a 1500 personnes qui ont répondu. Et on avait deux questions. On avait quel devrait être le nom de l'équipe et pourquoi? C'est sûr qu'on a eu plein de suggestions intéressantes pour le nom, mais tu sais, il ne faut pas oublier qu'au départ, il faut que ce soit un nom bilingue, qui s'écrive de la Ouais. même façon. C'est ce qu'on voulait, nous, que ce soit la même chose en anglais et en français. Donc, dès le départ, il y a beaucoup de noms qui ont été éliminés. Mais on s'est attardé au pourquoi. Qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça? Et ce qui revenait souvent, c'était la fierté, le sentiment d'appartenance, ce qui était représentatif de Montréal, qui est le multiculturalisme, l'inclusion, Ouais. la diversité. Donc, c'est là-dessus qu'on s'est concentré pour essayer de trouver un nom, qui embrassait toutes ces caractéristiques-là. Et puis, ben, le nom Alliance nous avait été suggéré trois fois dans le sondage. On trouvait que c'était un nom parfait. Ben oui, ça se dit aussi bien en français qu'en anglais, l'Alliance de Montréal, Montreal Exact. Alliance. Fait que, tu sais, ça se dit aussi bien. Et le logo, expliquez le logo peut-être aussi. Ben, le logo, on s'est dit, OK. Qu'est-ce qu'on fait avec, tu sais, qu'est-ce qui représente une alliance? Fait que on est allé, tu sais, c'est un processus qui a été très, très réfléchi, puis tu sais, qui s'est pas fait en 2 heures, là. On sait que la plupart des logos de la Ligue, ce sont des animaux. On s'est dit, est-ce qu'on va ailleurs? Mais finalement, on est revenu, qu'est-ce qui fait une alliance? Tout ce qui est une meute, que ce soit un hyène, un coyote, un loup, puis on a décidé de s'arrêter sur le loup qui était très Ah représentatif, oui. ici, d'ailleurs, tu sais, à Montréal, au Québec. Donc, c'est ça. Ça faisait référence à l'interdépendance qu'il y a dans une meute, pareil comme dans une équipe de basketball. Es-tu seul là-dedans? Parce que c'est toi qu'on voit d'entrée de jeu, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'aident? Oh, ben c'est la Ligue qui. C'est toi la Ligue. Non, je suis pas la Ligue. Non, non, non. Donc, Toi et c'est la ça. Il y Ligue, a... autrement dit. Non, non, c'est ça. Donc, la Ligue, c'est la façon, c'est une entité avec Ouais. un seul propriétaire, sauf Ouais. pour Scarborough qui s'est ajouté aussi dernièrement. Drake. Ça, c'est autre chose avec Drake, exactement. C'est bon pour le Mais marketing, sinon, ça, les huit autres. pour la Ligue. Quand tu dis que Drake est propriétaire d'une équipe, ça doit aider pour le marketing et la crédibilité de la Ligue aussi. Oui, tout à fait. C'est pas pire pantoute, hein, Ouais. d'avoir Drake dans ton Ouais. entourage. Ouais. Mais non, c'est ça. Donc, moi, je suis vice-présidente des opérations à Montréal, mais j'ai déjà commencé à engager une équipe. J'ai une équipe extraordinaire qui a fait un travail de fou en peu de temps pour le lancement de l'équipe. Et puis moi, je relève directement de la Ligue. Donc, il y a beaucoup de responsabilités, de tâches là, qui sont faites directement à partir de là. Hier, je t'écoutais au 91.9 mentionner que la prochaine étape, c'est de nommer le directeur général qui va être d'ici Ouais. quelques mois, quelques semaines, c'est-à-dire quelques Quelques semaines. semaines. Donc, es-tu déjà en processus d'embauche? As-tu déjà passé des entrevues? As-tu déjà. Oui. Oui, OK. Oui, c'est déjà avancé. On a des bonnes discussions, puis on devrait annoncer tout ça dans quelques semaines. OK. Comment ça va fonctionner? Je veux dire, c'est quoi l'objectif du côté des commanditaires et du côté des billets? Est-ce qu'une foule de 2500, 3000 personnes, c'est envisageable? Est-ce que c'est ça qu'il faut pour Ouais. être break-even à peu près? Ben, tu sais, ici, notre capacité, là, on est justement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on travaille là-dessus, là, pour faire un plan des sièges. OK. On le sait, l'auditorium était en rénovation depuis les 5 dernières années, donc c'est quelque chose qu'on doit refaire. On s'attend à avoir une capacité d'environ 3 500 sièges si on compte aussi ce qui sera directement sur le court, sur le terrain. Ben là, c'est ça. Là, c'est de bâtir le bail est signé, on sait qu'on va jouer ici, donc c'est d'établir tout ça. Nos bureaux vont être ici, c'est de faire le plan de salle, c'est d'établir les partenariats aussi avec les différentes entreprises, développer nos programmes communautaires. Donc là, la machine est partie. OK. Au niveau commanditaire, est-ce que ça, c'était comment vous avez commencé à approcher des gens aussi là-dessus? Bien, il y a déjà des gens, dès l'annonce de l'arrivée de l'équipe à Montréal, il y a déjà des gens qui m'ont approché. OK. On a commencé à discuter, mais n'ayant pas encore de structure en place, là, on s'est dit, on va attendre de lancer le tout officiellement. Là, c'est fait, donc les discussions vont commencer. OK. Pourquoi Verdun? Pourquoi pas la place Belle? Mais la place Belle, ça aurait été, tu sais, c'est quand même une place qui aurait pu avoir 10 000 personnes à peu près. Pourquoi Verdun au lieu de la Oui. place Belle? Bien, ce qui est important pour nous, un, on voulait être une équipe de Montréal. C'est sûr que la Place OK. Belle, c'est un super bel amphithéâtre. Ouais. Idéalement, on voulait être à Montréal. On voulait une capacité d'environ 5 000 sièges. Il n'y en a OK. pas beaucoup. On OK. s'entend, tu as l'Auditorium de Verdun, l'Aréna Maurice-Richard, puis Pierre Charbonneau, le Centre Pierre Charbonneau. Donc, c'est sûr que la Place Belle a été considérée aussi, mais il y a plusieurs critères à regarder. Puis je veux dire, c'est pas juste à nous de décider. Tu sais, aussi, Ouais. là, on regarde qui peut nous recevoir. L'aréna Maurice-Richard, c'est l'aréna pour l'équipe olympique de patinage de vitesse. Donc, tu sais, c'est ça. On OK. regarde. C'était vraiment la meilleure option ici parce qu'il réouvre. Donc, tu sais, tout était à bâtir. Puis là, on peut le bâtir ensemble. OK. Dis-moi, du côté des joueurs, je pense qu'on avait fait une entrevue ensemble, il y a 16 joueurs, je pense, qui ont déjà joué au moins un match dans la NBA, qui ont joué l'an passé dans la Ligue canadienne de basketball. Oui, je pense que Ouais. c'est un bon chiffre. Oui, c'est Ouais. ça. Donc, j'imagine que ça aussi, c'est quelque part, là. Puis la Ligue, est-ce que tu as senti une progression à travers les 2, 3 dernières années? Est-ce que tu as senti le calibre de jeu? C'est sûr que ça fait même pas un an que tu es là, mais est-ce que tu as senti, est-ce que les gens disaient à travers la Ligue que la Ligue progressait au niveau du jeu? 100%. Ouais. Progresse au niveau du jeu. T'sais, c'est un jeu qui est super rapide, très Ouais. talentueux. Les joueurs, t'sais, on le sait, on a des joueurs de Niagara là, qui ont été repêchés dans Ouais. la NBA. C'est du haut calibre. Puis le fait qu'on soit une ligue d'été, ça permet aux joueurs d'aller jouer à l'extérieur, t'sais, que ce soit NCAA, G League ou Ouais. peu importe, puis de revenir après jouer avec nous pour l'été. OK. Dis-moi, évidemment, là, je veux te parler de Québec. C'est sûr qu'on est au Lac Saint-Jean. Est-ce que une rivalité Montréal-Québec, est-ce qu'on voudrait avoir ça du côté de la Ligue? Est-ce que la Ligue, Ben est-ce oui. que tu as entendu parler à travers les branches que Québec était peut-être dans les pourparlers? Absolument. OK. C'est sûr qu'à partir de là, pour l'instant, tu sais, l'équipe est ouverte aussi à Ouais. avoir des investisseurs. Ouais. Donc, oui, je peux dire qu'il y a de l'intérêt du côté de Québec, ça, c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce que ça va se faire et quand ça va se faire, là, ça reste à déterminer. Ben, c'est sûr, parce que quelque part, une Ligue canadienne sans Québec, et ça aiderait une rivalité Montréal-Québec aussi, là. Ça fait. Oui, absolument. Oui, effectivement. Ben, Annie, on va te souhaiter la meilleure des chances. On va sûrement Hey, avoir merci l'occasion de se beaucoup. reparler beaucoup dès la nomination du directeur général. Est-ce que Pascal Jobin figure dans les plans de l'équipe, parce que mon collègue? Écoute, je m'avancerai pas sur les candidats, mais je peux te dire qu'on a eu des discussions avec plusieurs personnes. Il y a des gens qui sont bien intéressés, puis ça sera annoncé sous peu. OK. Ben, merci beaucoup, Annie. Merci, Annie Danny. Larouche, la porte-parole de l'équipe de l'Alliance de Montréal. Merci, Annie. Merci. À bientôt. Merci, salut. Merci. Bye.